Bismillahir Rahmanir Rahim. Le site de damouage.fr vous présente une série de cours de ta'bir, d'expression orale en langue arabe, tiré du livre de l'université de Riyad, niveau 1. Cours dispensé par Abu Taymiya Khalil al-Martiniki, wafaqahu Allah wa saddada. ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل الإسلام والمسلمين. Introduction, première leçon. Deuxième leçon. Troisième leçon. Quatrième leçon. Cinquième leçon. Sixième leçon. Septième leçon. Huitième leçon. Neuvième leçon, dixième leçon, onzième leçon, douzième leçon, treizième leçon, quatorzième leçon, quinzième leçon, seizième leçon, dix-septième leçon, dix-huitième leçon, dix-neuvième leçon, vingtième leçon. 21e leçon, 22e leçon, 23e leçon, 24e leçon, 25e leçon, 26e leçon, 27e leçon, 21e leçon, 29e leçon. Vingt-et-unième leçon, 21e leçon.